Chapitre 28e. Le courrier du marquis arriva à Morez quelques jours avant son maître. Il apportait un pli pour Robert et un autre pour Gabriel. Robert lut le sien sans sourciller. C'était pourtant une série de reproches peu ménagés, mais il ne parut point s'en préoccuper et le mit tranquillement dans sa poche. Gabriel brodait avec Lucille dans son petit salon lorsque le messager conduit par Robert en personne lui fut annoncé. Au mot, une lettre de Monseigneur. Elle leva la tête sans beaucoup de surprise et ouvrit le pli d'une main ferme. Mais dès la première ligne, elle pâlit et sa main trembla. Robert l'examinait en dessous, les yeux à demi-clos, le visage impassible. Elle leva son regard sur lui et comprit d'où partait le coup dont elle était frappée. Elle fit alors un effort surhumain. « Appelez ma maison, » dit-elle d'une voix calme. « Lucille, ma fille, » ajouta-t-elle, « votre père revient. » Un cri de joie lui répondit. Lucille se précipita sur la main qui tenait la lettre et couvrit l'une et l'autre de baisers ardents. En un instant, toute la valetaille accourut, et Toinon, appelée aussi sans savoir pourquoi, apparut dans l'embrasure d'une porte. Quand elle vit la maison au complet, Gabrielle se leva. « Monsieur le marquis, » dit-elle, « me fait savoir qu'il sera ici dans 5 jours. » Toinon jeta sur sa maîtresse un regard éperdu que Robert recueillit avec soin, mais Gabriel n'avait pas faibli. En présence du grand désastre toujours prévu et redouté, elle avait reconquis tout son empire sur elle-même. « Écris à ton frère, » dit-elle à sa fille, « afin qu'il obtienne un congé et qu'il vienne ici saluer mon époux. Il est préférable qu'il voie son père dans sa propre maison. » « Monsieur le marquis s'arrêtera à Paris chez Monseigneur le Duc, » fit observer Robert toujours sur le seuil. « Mon fils ne verra le marquis qu'à Morez, » dit Gabriel avec autorité. « Il ne me convient pas qu'il reçoive les embrassements de son père ailleurs qu'en présence de sa mère. C'est mon droit et d'ailleurs ma volonté, » ajouta-t-elle avec hauteur. Robert, vaincu pour cette fois, s'inclina et, plein de rage, se retire en silence avec la foule des serviteurs. Lorsque Gabriel se vit seule avec sa fille, elle se laissa aller dans son fauteuil et ses traits se détendirent. L'effort qu'elle avait fait sur elle-même l'avait brisée. Et Lucille craignit un moment que sa mère ne perdît connaissance tant elle était pâle et froide. « Chère maman, » lui dit-elle, « c'est la joie, n'est-ce pas ? C'est la surprise aussi ? Ah, que vous devez être heureuse après tant d'années !» Les baisers de Lucille ranimèrent la marquise. Quand elle eut repris quelque force, elle passa dans sa chambre et se fit envoyer Toinon. Celle-ci accourut, plus pâle et plus défaite s'il est possible que sa maîtresse, et se jeta à ses pieds tout en larmes, en la voyant émue. Mais Gabrielle avait retrouvé son courage. Elle était de celles à qui le danger inspire l'énergie. « Il faut que je voie M. de Présange, » dit-elle à sa servante. « Il le faut absolument. Envoie-lui un messager. Trouve quelqu'un. Le cas est désespéré. Prends un moyen également désespéré. Peux-tu répondre de quelqu'un ?» Toinon chercha un instant, puis une idée lui vint. « Ma sœur, » dit-elle, « celle qui nourrit Mademoiselle Lucille fera tout ce que sa jeune maîtresse lui commandera. » Gabriel hésita. Il lui répugnait de se servir encore une fois de sa fille. Mais ce n'était pas un rendez-vous d'amour qu'elle conviait Julien. Rien n'était plus loin de sa pensée. Désormais présent, je lui étais absolument étranger. « Soit, » dit-elle, « j'écrirai un billet. Tu diras à ta sœur que c'est Lucille qui l'envoie. Que Dieu me pardonne encore cette faute. C'est la dernière. Je suis aux abois. » Les préparatifs de réception du marquis occasionnèrent un grand remue-ménage dans le château. Pour la première et la dernière fois, Robert et sa maîtresse s'étaient trouvés d'accord. Le château devait apparaître dans son plus beau jour aux yeux de son maître. Les tenanciers furent prévenus. On organisa une bienvenue triomphale. Tout cela prit beaucoup de temps et donna beaucoup de mal. Pendant les 3 premiers jours, il fut impossible de songer à faire venir Julien. Des escouades de jardiniers et de terrassiers réparaient le jardin et le parc tant soit peu négligé. Enfin, le 4e jour, la marquise écrivit à Julien ces quelques mots. « Vous devez savoir maintenant que nous sommes séparés pour jamais. Venez me voir cette nuit dans la cabane. Apportez-moi mes lettres, nous les brûlerons ensemble et préparez-vous à me dire un adieu éternel. » La nourrice de Lucille reçut le billet et le remit fidèlement à son destinataire. Elle s'étonna bien un peu que sa demoiselle eût besoin d'écrire en secret à ce beau jeune seigneur. mais elle n'avait pas l'esprit mal tourné, et crut bonnement qu'il s'agissait de quelque surprise pour l'arrivée du marquis qui bouleversait toutes les têtes. Julien avait appris l'arrivée de Morez par la rumeur publique. Il était resté pétrifié de terreur et d'angoisse, car ce retour, que la marquise n'avait jamais cessé de prévoir, lui paraissait à lui chose impossible et fantastique. Cet homme, qu'il n'avait jamais vu, avait fini par lui sembler un mythe, et voilà que d'un seul coup il rentrait dans les réalités de la vie par le côté le plus sombre. Qu'allait-il faire vis-à-vis de cet homme? Aurait-il le courage de lui serrer la main, de lui faire des protestations d'amitié et de dévouement, tout en restant l'amant de sa femme? Dans les villes, la morale n'était pas si sévère, et l'on ne pensait point à ces choses désagréables. Mais Julien, s'il était coupable, n'était pas corrompu. Sa faute était le fruit d'une passion irrésistible, non d'une dépravation précoce. « Non, se dit-il, je ne puis serrer la main de cet homme-là, je mourrai de honte. » Le silence prolongé de Gabriel l'avait jeté dans les transes les plus cruelles. En présence d'un tel événement, se pouvait-il qu'elle n'eût rien à lui dire? La messagère fut accueillie avec transport. La lecture du billet éteignit sa joie. Un adieu éternel. Était-ce pour cela qu'il avait consacré les plus belles et les meilleures pensées de son âme à cette femme qui n'avait alors que lui au monde? Fallait-il rompre ce doux lien, si doux malgré tant d'amertume, et le rompre ainsi sans retour? Il aimait Gabrielle plus encore peut-être pour tout ce qu'il avait offert à cause d'elle que pour le bonheur qu'elle lui avait donné. Il avait arrangé sa vie pour la passer auprès d'elle. Il ne désirait rien que de vieillir à ses côtés pour la consoler quand elle n'aurait plus ses enfants, mariés au loin et probablement ingrats. Il avait prévu le cas où les années adouciraient leur affection mutuelle, où l'amour se changerait en amitié, et il n'avait jamais pensé qu'il faudrait dire à Gabriel un éternel adieu. « C'est donc vrai, pensa-t-il, que l'adultère est un crime, et que tout crime porte en lui son châtiment. » Il courba la tête sous le châtiment, bien lourd en vérité, et surtout bien soudain. Oui, après 3 années pendant lesquelles il s'était sans cesse étourdi, le châtiment était venu. Il fallait détruire ce qui faisait l'harmonie et la joie de son existence. Julien ne se souvint pas alors des tortures, des luttes, des larmes de ces 3 années. Il n'en vit que le côté lumineux, et désespéré, triste jusqu'à la mort, il se dit « Ma vie est perdue ». À cette pensée en succéda une autre non moins amère, et elle, Gabrielle, qu'allait-elle devenir? Entourée des souvenirs matériels de son bonheur perdu, n'allait-elle pas se consumer dans des remords cuisants? Tout, autour d'elle, n'était-il pas réuni pour la condamner? Cette âme droite et loyale qui n'avait subi la faute qu'en se défendant pied à pied, que ferait-elle en présence de l'époux offensé? Elle se trahira, pensa Julien, elle ne sait pas mentir. La nuit descendit sur sa tristesse. C'était une de ces nuits tièdes et sombres qui semblent moites et veloutées. Pas un souffle d'air, pas une étoile au ciel. La terre endormie et muette exhalait la chaleur du jour. Le parfum des fleurs nocturnes flottait doucement dans l'atmosphère, mais l'air était si calme que les diverses odeurs ne se confondaient pas entre elles. Julien sortit de la maison et se mit à marcher dans son jardin en attendant l'heure du départ. Sa lumière était restée à la fenêtre, et cette fenêtre était précisément celle par laquelle était entré le soleil de mai, le jour où Gabriel avait fermé pieusement les yeux de Madame de Présanges. Avec ce soleil de mai avait pénétré en lui la douleur, mais aussi la passion et la vie. C'est pourtant elle que je dois d'être un homme, se dit-il. J'étais un enfant, c'est elle qui m'a tout appris. La science des pédagogues est bien peu de chose tant que l'amour n'a pas passé par là. Et moi, qu'ai-je fait pour elle? Qu'ai-je apporté dans sa vie d'autre que le remords? Pour la première fois, Julien comprit sa faute. Il s'aperçut alors trop tard, comme toujours, que Gabrielle aurait été bien plus heureuse s'il avait pu se contenter de vivre auprès d'elle et de l'aimer chastement. « Je suis bien coupable envers elle, » pensa-t-il. « Désormais, je m'abandonne à elle. Quoi qu'elle ordonne, j'obéirai. Ce sera un commencement d'expiation. » Il continuait à marcher dans le jardin, et la volupté pénétrante de cette nuit d'été passait en lui. Il se rappela les heures de leur amour volé au destin, volé à Gabrielle elle-même, et se dit qu'il avait été bien heureux. mais elle souffrait, elle. Elle mourait de honte et de remords. Ah, cœur misérable, faible égoïste, tu as perdu la plus noble des femmes, et quoi que tu fasses, quoi qu'elle devienne, ton image n'en restera pas moins entre elle et Dieu jusqu'à l'heure de la mort. Il s'assit sur un banc et resta brisé de désespoir. Véritablement, pour lui, le crime avait apporté le châtiment, car son âme blessée subissait la plus affreuse douleur. L'heure était venue, il se leva, fit seller son cheval, celui qui connaissait la route et savait l'attendre dans le bois sans impatience, et partit, mais non cette fois avec la hâte fébrile qui l'emportait d'ordinaire au rare rendez-vous. Il franchit la muraille sans danger et sans bruit, et se rendit à la cabane. Il en connaissait bien la route et entra avec précaution. Gabrielle l'attendait avec une petite lanterne sourde. « Je me suis échappée, dit-elle. Je crois qu'on m'a suivie. Mais toi non. Toi non est restée au château. Je n'ai pas voulu l'entraîner dans ma disgrâce, si je suis découverte. Assez d'innocents paieront peut-être pour ma faute. Julien, m'avez-vous apporté des lettres ?»« Les voici toutes, » dit le jeune homme en déposant sur la table le petit portefeuille, présent de Lucille. « Les vôtres et les miennes. Que tout périsse ensemble avec notre bonheur. » Gabrielle, sans répondre, prit les lettres une à une et les brûla à la flamme de la bougie qui éclairait sa lanterne. Quand ce fut fini, elle resta immobile, les bras pendants. « Adieu, » dit-elle enfin d'une voix à peine distincte. « Adieu, » s'écria Julien. « Ainsi, sans une parole de consolation, sans une dernière caresse, sans un mot, un cri qui me dise que tout ce beau passé n'ait pas été un rêve, que vous m'avez aimé ?»« Oh, certes, je vous ai aimé, » dit Gabrielle en secouant la tête. « Oui, je vous ai aimé, je vous aimerai toujours, pour mon malheur. »« Eh bien alors, Gabrielle, » s'écria Julien en lui tendant les bras et en voulant l'attirer à lui, « pose encore une fois ta tête sur ce cœur qui ne bat que pour toi et pleure avec moi tout ce que nous perdons. » Gabrielle recula d'un pas. « Non, » dit-elle de la même voix éteinte. Dans quelques heures, le marquis sera ici. Voulez-vous qu'il trouve sur mon front la trace de baiser adultère ?»« Pitié !» fit Julien en tombant à genoux devant elle. « Ayez pitié de moi. Je vous assure que je suis puni. »« Je ne vous reproche rien, » reprit Gabrielle. « Nous sommes également coupables tous les deux, et je crois que nous sommes également punis. Je vous ai beaucoup aimé. Je vous aime encore. Je prie à Dieu pour qu'il vous pardonne. »« Ah ! » s'écria-t-elle en se couvrant le visage de ses mains. « Je vous aime assez pour prendre toute la faute sur moi, pourvu que Dieu y consente. » Il voulut encore l'attirer à lui, elle le repoussa sans colère. « Vous ne me comprenez pas, » dit-elle, « parce que vous ne savez pas ce que c'est que de se trouver en face de l'homme qu'on a outragé. Vous me comprendrez mieux demain. Pourquoi ? Avez-vous pensé, » dit Gabrielle en s'animant, « que vous pouviez vous dérober au supplice que je subis ? Avez-vous cru qu'il vous serait épargné de voir le marquis et de lui serrer la main ?»« Oh non !» dit Julien épouvanté. « Pas cela ! Pas cela, je vous en conjure !»« Vous voulez alors que dans cette réunion de toute la noblesse qui aura lieu demain chez nous, votre absence soit remarquée ? Vous venez deux ou trois fois par semaine au château, et vous ne vous présenteriez pas quand le maître arrive, mais vous voulez donc me perdre ?» Julien resta atterré. Le châtiment s'apesantissait de plus en plus sur ses épaules. « Vous viendrez demain, avec les autres, vous viendrez encore deux ou trois fois, et puis vous pourrez prétexter un voyage. Mais il faut que le marquis vous ait vu. C'est déloyal, n'est-ce pas, de tromper ainsi un honnête homme ? Oui, j'en conviens, mais moi aussi je le trompe, et notre châtiment à tous deux sera de mentir comme des lâches, tout en nous méprisant nous-mêmes et mutuellement. » « Non, » s'écria Julien en s'élançant vers elle, « tu sais que je t'estime au-dessus de toutes les femmes, et toi-même tu ne peux me mépriser. » Gabrielle recula encore d'un pas et mit sa main sur le loquet de la porte. « C'est vrai, » dit-elle, « je ne te méprise pas. Tu as été bon et loyal. Le malheur est que je n'étais pas libre. Je ne vous en veux pas, monsieur de Présange, » ajouta-t-elle en voulant sortir. « Mais moi je t'aime, » murmura Julien éperdu. Gabrielle revint à lui et lui prit la tête entre ses deux mains. « Vois-tu, » dit-elle, « nous nous sommes perdus mutuellement. Nous devions nous aimer quoi qu'il advint. « Nous avons péché, maintenant il faut expier. Je t'aimerai jusqu'à la fin. Adieu. » Elle ouvrit la porte et disparut dans la nuit. Une ombre cachée sous les feuillages la suivit sans se presser. Robert n'était pas désireux de rentrer avant la marquise. Il lui suffisait de l'avoir vue sortir. Julien retourna chez lui et pensa un moment à s'enfermer dans un cloître. Chapitre 29e. La marquise était à peine revenue chez elle. À peine Toinon, qui l'attendait, avait-il eu le temps de lui retirer ses vêtements trempés de rosée, que le galop d'un cheval se fit entendre dehors. Une rumeur monta des communs, et Lucile frappa à la porte de sa mère. « Maman, disait-elle, c'est le courrier de mon père. Il sera ici dans une heure. » Toinon et sa maîtresse s'entre-regardèrent avec effroi. Il lui suffit d'un quart d'heure de plus pour tout perdre. Gabriel s'habilla en hâte. Toute la maison était sur pied. En pressant son arrivée de quelques heures, le marquis faisait manquer l'entrée triomphante qu'on lui avait préparée, mais c'est peut-être ce qu'il voulait. Les rayons du soleil levant allumaient un incendie dans les fenêtres du château lorsque le marquis de Morez rentra dans le domaine de ses ancêtres. Sa femme et sa fille l'attendaient sous le perron, et d'abord il les trouva si belles, toutes deux, qu'il en fut ébloui. Il les baisa au front avec une égale tendresse et se hâta d'entrer. Malgré la saison, la fraîcheur de l'air le faisait frissonner. Gabriel et Lucile, l'une pour n'avoir pas dormi, l'autre pour s'être réveillée en sursaut, frissonnaient aussi. On entra dans la grande salle, où le marquis reçut l'hommage de ceux de ses vassaux qui s'étaient levés de bon matin, puis un repas fut servi, mais personne n'y toucha. Ces arrivées matinales jettent le désarroi dans une maison, d'ailleurs tout le monde était fatigué. Le marquis se retira dans sa chambre pour prendre un peu de repos et Lucile vint se réfugier auprès de sa mère. « Que mon père est beau, » disait-elle avec une admiration enfantine. « Mais dites-moi, maman, n'est-il pas beaucoup plus âgé que vous? Je me l'étais figuré plus jeune. » « Il a 15 ans de plus que moi, » répondit Gabriel, « et moi-même je ne suis plus une jeune femme. » Lucile regarda sa mère et secoua la tête. La fièvre de la douleur et de la crainte donnait au teint de la marquise un éclat incomparable. Ses magnifiques cheveux blonds relevés à la hâte formaient une couronne royale à son front que rien n'avait pu entamer et qui gardait la pureté du marbre. Seuls ses yeux noirs étaient fatigués, car ils avaient beaucoup pleuré, mais la teinte de bistre qui les entourait leur donnait un éclat surhumain. À 36 ans, Gabriel en paraissait à peine 28, et le marquis, grossi, blanchi, malgré sa noble prestance et sa belle figure, paraissait plutôt son père que son époux. « On va dire que mon père a 2 filles, » murmura Lucile. Cette flatterie délicate amena un sourire fugitif sur les lèvres de sa mère. Elles restèrent ensemble jusqu'à l'heure du dîner qui avait lieu à midi, car Gabriel craignait la solitude. Elle craignait surtout ses propres pensées, et le babil joyeux de sa fille la distrayait de ses préoccupations douloureuses. Pendant ce temps, le marquis avait dormi quelques heures. Il se leva de bonne humeur, s'habilla et vint présider au dîner de famille. Quelques-uns des plus empressés parmi les voisins étaient déjà arrivés pour le complimenter. Le repas fut brillant. Après tant d'années de vie nomade, le maître du logis éprouvait un bien-être délicieux à se retrouver au milieu de ce qui lui appartenait en propre. Dormir dans son lit, manger dans son argenterie, étaient pour lui des jouissances nouvelles, tant il avait été de temps sans les éprouver. Aussi accepta-t-il de grand cœur tous les compliments qu'on voulut bien lui faire. « Hé, marquis, lui dit le vieux chevalier, vous voilà donc revenu au bercail comme l'enfant prodigue. Madame la marquise va tuer le veau gras et nous le mangerons, n'est-il pas vrai ?» La marquise souriait à tous les propos d'un sourire vague et contraint. Sa force nerveuse venait à son secours pour lui prêter des réponses polies et insignifiantes telles qu'il convenait. Lucile portait ses yeux étonnés de sa mère à son père et ne pouvait s'accoutumer à les voir si dissemblables de ce qu'elle croyait. Sa mère n'était plus elle-même. C'était une femme pâle, inquiète, agitée de frissons, qui tressaillait au moindre bruit et qui tournait craintivement la tête comme un condamné attendant son arrêt de mort. « Comme il faut qu'elle ait souffert de l'absence de mon père, » pensa ingénument la jeune fille, « pour que son arrivée la bouleverse ainsi. » Ses yeux se reportaient sur le marquis, et elle trouvait là de nouveaux sujets d'étonnement. Elle avait rêvé pour père un seigneur jeune encore, grand, maigre, à la moustache noire, à l'air sévère, aux paroles rares. Elle voyait un homme enchanté de vivre, tant soit peu épicurien, qui aimait la bonne chère et les joyeux propos, et riait souvent de ce rire satisfait, épanoui, des heureux qui engraissent. Certes, le visage du marquis était aussi beau que tout ce qu'elle avait pu se représenter. Cette superbe tête blanche, au profil de camée, avait dans les lignes une majesté, une dignité bien faite pour imposer le respect. Mais c'était presque un vieillard aux yeux de sa fille. Lucile ne se sentit que plus portée à l'aimer. Elle se dit sur le champ que la confiance et l'amour lui seraient mille fois plus faciles qu'elle n'avait supposé. Dans l'après-midi, René arriva. L'étiquette de cette rencontre avait été réglée d'avance par le duc de Morez, mais le marquis ne chercha point tant de finesse. Lorsque son fils s'inclina devant lui, il le regarda d'abord avec quelque stupéfaction. Il trouvait un homme là où il ne croyait voir qu'un enfant. Puis ce mouvement de surprise, rapide comme l'éclair, fit place à une joie sincère. Pardieu, dit-il à René qui s'approchait pour lui baiser la main. Vous êtes plus grand que je ne croyais, monsieur mon fils. Embrassez-moi, en attendant que nous fassions connaissance. Je vous connais bien, mon père, dit René. Depuis votre départ, je n'ai cessé de vivre en pensée auprès de vous. Ah, vraiment? Et qui donc vous a si bien renseigné? René se tourna vers sa mère, qui le regardait avec des yeux débordants de joie maternelle. En ce moment, elle était mère, à l'exclusion de tout autre sentiment. « C'est ma mère, monsieur, » fit-il en la désignant d'un geste à la fois enthousiaste et respectueux. « C'est elle qui n'a cessé d'entretenir en nous la vénération et l'amour que nous devons à notre père. » Le marquis regarda Gabrielle. Toute la joie de celle-ci était tombée, une pâleur livide couvrait son visage. « Je vous remercie, madame, » dit le marquis en portant à ses lèvres la main glacée de sa femme. « Vous m'avez donné de beaux enfants, je le vois. » Et à ce qu'il me semble apercevoir, ce sont aussi de bons enfants. « J'ai fait de mon mieux, » balbutia Gabriel. « Monsieur de Présange, » lança la voix mordante de Robert qui annonçait les visiteurs. Du premier coup d'œil, le jeune homme embrassa cette scène et comprit que jusqu'alors, Gabriel était sauve. Puisant du courage dans la nécessité de faire bonne contenance, il s'inclina devant le marquis, présenté par Gabriel qui trouva la force de le nommer sans défaillir, murmura un compliment et se retira dans le groupe des voisins et amis. Robert, qui l'avait suivi des yeux avec un regard affilé sous ses paupières à demi-closes, quitta son poste et remit à un domestique le soin d'annoncer ceux qui pourraient venir. Gabrielle s'en aperçut et sa terreur en augmenta. Elle sentait se serrer autour d'elle les mailles d'un filet invisible, mais inévitable. Elle eut envie d'aller à Julien, de lui ordonner de partir à l'instant. Elle n'osa. Sûre qu'elle était de rencontrer Robert derrière chacune des portes qu'il lui faudrait franchir. Elle resta donc immobile, souriant vaguement d'un sourire de commande et intérieurement glacée d'effroi. « Si je pouvais tomber morte, » pensa-t-elle. Mais la prière désespérée de la femme coupable n'atteignit pas le ciel. Le jour s'acheva, cependant. Le marquis reçut sur le perron la députation de ses vassaux et entendit le discours du magistère du village. Une collation fut servie, et chacun y fit honneur. Julien n'avait pas eu le courage d'y assister, et, profitant du départ de quelques autres, il avait pris congé. Comme il sortait, il rencontra Lucile qui fut frappée de son air défait. « Vous souffrez, monsieur ?» lui dit-elle, poussée par la sympathie secrète que lui inspirait le jeune homme. « Oui, mademoiselle, » dit-il avec effort, « je me retire pour ne pas attrister votre joie. »« Je ne puis rien pour vous ?» insista Lucile. Il la regarda, et ce regard douloureux, inquiet, pénétra jusqu'au fond de l'âme innocente de la jeune fille. « Vous ?»« Non, mademoiselle, rien, mais je ne souffrirai pas longtemps. » Il saluait pour se retirer. Lucile avança la main vers lui. « Vous m'effrayez, » dit-elle. « Vos paroles sont bien funèbres. Songez, monsieur, que votre vie est aussi à vos amis, ma mère. » Julien attacha sur Lucile des yeux si pleins d'épouvante qu'elle recula, saisie de crainte, sentant qu'elle venait de toucher à quelque effroyable blessure. « Vous avez raison, mademoiselle, » dit-il sans cesser de chercher à lire dans ses yeux. « Je ne dois affliger personne de mes propres chagrins. Gardez-moi le secret de cet entretien, je vous en conjure. » « Je vous le promets, monsieur, » murmura Lucile, interdite. Il la salua encore une fois et sortira. Un instant après, son cheval noir passa devant le perron, l'emportant vers la solitude. Lucile rentra au château, pensive et pleine d'un vague effroi. Chapitre 30e. Le soir était venu. Gabriel, dans sa chambre, repassait les événements du jour. Le marquis entra après avoir frappé, congédia Toinon qui attendait les ordres de sa maîtresse, attira un fauteuil près de la lumière et s'assit en face de sa femme. Celle-ci leva les yeux sur la figure qui se trouvait si près d'elle. Elle croyait se voir vis-à-vis d'un juge. Elle ne trouva qu'un visage bienveillant. « Voilà bien longtemps que je suis parti, madame, » dit le marquis avec douceur. « Et depuis bien longtemps aussi, j'ai sur le cœur différentes choses que je suis venu vous dire aujourd'hui. » La marquise tremblait, mais elle attendit, la tête basse, ce qui allait suivre. « Vous souvient-il, » continua le marquis, « que lorsque mon fils eut 7 ans, on le retira de vos mains et qu'en même temps on vous enleva votre fille qui était fort jeune alors ?» Gabriel s'en souvenait, certes. Sans cet événement, sa vie eût coulé pleine et heureuse, loin du mal. Elle fit un signe d'assentiment. « Eh bien, ma chère femme, » continua le marquis en se rapprochant encore, « j'eus grand tort de donner mon consentement à cet acte vraiment cruel en ce qui vous concernait, et je vous en demande pardon. » Gabrielle, stupéfaite, leva les yeux. Était-ce bien son mari qui lui parlait ?« Vous, » dit-elle, « vous, monsieur, vous me demandez pardon ?»« Oui. » « Je vous demande également pardon de ne pas vous avoir laissé nourrir vos enfants, comme vous en aviez témoigné le désir. C'était un vœu légitime de la nature et j'aurais dû vous permettre de le satisfaire. Je crois vous avoir causé beaucoup de peine dans ce temps-là et vous m'envoyez aujourd'hui confus et désolé. » Dans l'intervalle, Rousseau avait passé par là, et l'amour maternel était devenu une mode, tout comme auparavant il était naturel de faire élever ses enfants loin de soi. Le marquis n'aurait peut-être pas senti tout seul ce tort d'une espèce particulière, mais au moins avait-il la bonne grâce de le reconnaître à présent. « C'est vous, monsieur, » répéta Gabriel, « vous qui me demandez pardon. » Le marquis se méprit à ce cri d'une conscience torturée. « Cela vous étonne, » reprit-il. « Je conviens que je ne vous ai guère accoutumé à de bons sentiments ni à de bons procédés de ma part. Mais si vieux que je sois auprès de vous, je suis encore assez jeune peut-être pour me faire pardonner mes torts. Et si vous devez m'en garder rancune, pour essayer de les réparer. Oui, continua-t-il, j'eus grand tort de vous retirer le bonheur de nourrir vos enfants. J'eus plus grand tort de vous enlever votre fille, qui aurait dû rester auprès de vous pour vous consoler du départ nécessaire de son frère. Pour celui-ci, je ne pouvais le refuser aux soins de mon père. Mais Lucile, vous avait été donnée par le ciel comme une compensation à votre isolement. Et ce fut une cruauté inutile que de vous la retirer. Voulez-vous bien me dire que vous me pardonnez tous ces torts-là et, fit le marquis en souriant, tous les autres, que je passe sous silence, que j'ai eus envers vous pendant mes 18 années d'absence ? Il attendait la réponse de Gabrielle, celle-ci étendit les mains en avant. « Oui, monsieur, dit-elle, oui, je vous pardonne tout le mal que je vous ai fait, » termina le marquis. Gabrielle inclina la tête pour toute réponse. Oui, dans son cœur, elle pardonnait au mari tout le mal qu'il lui avait fait, et devant Dieu, elle ne le rendait pas responsable de sa faute à elle. « Eh bien, Gabrielle, » reprit le marquis après qu'il lui eut baisé la main avec effusion, « je crois que je resterai à Morez, si toutefois vous voulez bien m'y souffrir, » ajouta-t-il en souriant. « Je n'avais pas idée de ce que j'allais trouver ici. Cette maison bien entretenue, où tout respire l'ordre et la décence, ces enfants beaux et bons qui m'aiment vraiment plus que je ne mérite, tout cela, grâce à vous. Cet intérieur où je n'ai, je le vois, jamais cessé d'être présent malgré ma longue absence, tout cela m'attire et m'enchante. Je ne suis plus jeune, il est temps que je sois père. Pour époux, fit-il avec une sorte d'enjouement, je ne l'étais que bien peu et je n'ose espérer que vous vouliez bien me pardonner aussi cela. Nous ne donnerons pas au monde le spectacle ridicule d'un amour romanesquement conjugal, mais... « Si vous le voulez bien, Gabriel, nous vivrons dans la paix et l'harmonie comme il convient à des gens qui s'aiment et se respectent. » Il se leva, voulant laisser à Gabriel le temps de méditer ses paroles et prit congé d'elle sans qu'elle lui ait répondu autrement que par des gestes. Il la croyait irritée contre lui. Hélas, la pauvre femme n'était que brisée par l'humiliation et le poids de sa faute, en présence de ce qu'elle appelait la générosité de son époux. En rentrant chez lui, le marquis trouva Robert avec de gros livres de comptes sous le bras, qui attendait patiemment son arrivée. « Tu viens me casser la tête avec des chiffres ?» lui dit-il d'un ton bourru. « Il est 10 heures du soir et j'ai passé plusieurs nuits en carrosse, sans compter la dernière. Laisse-moi tranquille. Il sera temps de m'apprendre demain de combien je suis dépouillé. » Sans répliquer, Robert s'inclina et emporta ses gros livres. Sa vengeance était mûre, lui seul pouvait secouer l'arbre pour la faire tomber. Il n'était pas pressé.